Are you ready? Let's go! Rail suprême. Deux heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Ça y est, c'est parti, juste après la spéciale de D-Fool. Bienvenue à vous tous, bonne soirée, bonne fin de week-end. Et comme chaque fin de week-end, rendez-vous avec Rail Suprême. DJ Case est au contrôle des nouveautés, du classique, du rail, même un peu plus loin dans l'univers. Ce soir, c'est DJ Case au contrôle pendant un peu plus de deux heures. Soyez les bienvenus, coup d'envoi maintenant. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. J'ai la folie des grandeurs, je suis VIP. Je suis fou de ses rondeurs, je la pose au champagne. Je mets le fire sur la gasoline à papy. Ce soir qui sortira plus de bouteilles. Je m'exprime comme on regarde en deal. Je me demande ce que tu fous dans ma soirée. Fais la belle, moi j'ai le bras assez long pour gifler tes fesses depuis mon carré. Une étrange mélodie me vient dans ma tête et je ne peux m'arrêter de danser mon bico. J'en oublie mes blessures. Ma présence te rassure, bien sûr, j'assure. Je suis sur la côte en perfect azur. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. J'attends pas que le bonheur me fascine. Mon parcours les fascine. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Et j'ai jamais raté ma cible. Bitch, triangle d'assassine. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Pour mes locaux, pour mes locaux. Vida loca, vida loca, vida loca. Si je suis si je te demande ça, c'est que je t'estime bien. Je suis toujours occupé, c'est mon côté palestinien. 100 000 watts dans les oreilles, je fais des perles en McLaren. Je suis entre 4 pétailles foreign. Supporte encore du Ralph Lauren. Algérien, j'ai le drapeau facile. C'est une femme flic, je mets pas de vaseline. Je les vois défoncer ma porte au bélier depuis l'œillet de la voisine. Je les laisse lancer des rumeurs. Tu l'as caroté, je crois sur tes morts. Ça t'énerve, prends tes maxons, démarre. Dédicace, quartier sud, quartier nord. photos, je zoome sur tes fesses, je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses, fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à Carter, tu vas finir poncé, je ne dure pas qu'un quart d'heure, j'aime quand tu danses ta zumba, genre t'es de Sao Paulo, mais mon pote tient rumba, pense que t'es une photo, le rama, le rama, she's making me back like a bingo, and I couldn't try to be single, and the way that she dancing, I don't know. She's making me back like a bingo, and I gonna try to be single. And the way that she dancing, I don't know, I don't know. 'Cause tonight, I don't care what I will buy. 'Cause I know we getting high. Put your hands up in the sky, in the sky. Hey, yeah, you got me dancing a lingo. The way that you moving your bingo, dancing a lingo. Check body. Hallelujah, eh. They hold me for ransom 'cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom 'cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. car, you know what a hood might do. Put my one for these niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like you. L'alcool c'est de l'eau. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Ma bim, banana.

Okay. خاطر تلومان الحفل يديروها والليل يربلوها راهي انا موت في خاطر تلومان ايا Everybody make all revient foutre la merde. C'est toujours les mêmes qui revient foutre la merde. C'est toujours les mêmes qui revient foutre la merde. C'est toujours les mêmes. Nul, nul, dip, dip. Dil, dil, dip, dip. Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait avaler. Minuit, 2h. Rail suprême. C'est Rail suprême sur Skyrock. Les drainés, chouchou, chouchou, lave la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les tantes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, et ta belle est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle yas, Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, fly cars, I whip. On compte en l'air, big money, I flip, huh? Ain't worried about none. Nigga ain't worried about none. Nigga ain't worried about none. Nigga ain't worried about none. I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Round, round with that whip. Strapped up with that Nina. Got two bad bitches with me. Molly, not gonna feel. Money don't mean nothing. Niggas don't feel you when they see it. My whole hood love me. But now a nigga wanna touch me. Tu fais ça, tu me cherches, tu sais où me trouver. Tu t'intègres. Même si t'as le parfum, je vais quand même te trouver. D'où je viens, tout comme les, je n'ai rien à prouver. De love. T'as le permis de poker, j'ai permis de tuer. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Yeah. I'm in love with the coco. Yeah. I got it for the lolo. Turn up. I'm in love with the coco. Hold on. We the boys. Watch me, nae-nae. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me, nae-nae. Okay. Now watch me whip. Watch me, nae-nae. Can you do it? Now watch me. Ooh, watch yeah. Me. Watch me. Ooh, watch yeah. Me. Watch me. Ooh, yeah. Watch me. Watch me. Ooh, watch me. Watch me. I think I'm Big Meech. Huh? Whipping work. On sait que c'est la guerre, guerre. Tu peux me retrouver à l'after. Je m'en bats les reins du game, game. Je suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon. They be creepin', hey. Tryna catch yourself while I'm sleepin', hey. Go too far, you need a passport, hey. See them shots coming, got a glass court, hey. Thoughts try to camcord, hey. That's a long shot, I'm shooting from half court. Soon as the bottles start coming out, dots. She come running to my couch, dots. She'll eat your ass, never trust a big butt and smile. You can't trust dots. Soon as the liquor start running out, dots. should be creeping to another cow. Shelly, your ass never dress a big butter. Baby, I'ma love you for the night. My boyfriend ain't talking about her. She told me don't get an intro. She was sneaking through the back door. She came to see me in a bando. 100 on a chain, 30 on a watch. She want a dope boy that'll take her to the top. She wanna get fucked by a nigga in the nighttime. She gon' let me lick the booty when the lights down. Baby, you need to fuck with a real nigga. Stop wasting your time with them fuck niggas. Yeah, baby. If you let me lick it, I'ma kiss it, I'ma stick it all in like, yeah, baby. Whoa, yeah, baby. Have you ever been for one night? Late night on the block, bust a juice. Who came full of drugs, tell the drug dealers. 17 to the AM, I come, yeah, niggas know I'm drunk, niggas. Rise Suprême, minuit, minuit, 2h, avec Fred et DJ K sur Skyrock. Dimanche soir, Rise Suprême avec DJ K, avec le hashtag Rise Suprême sur Skyrock. Passez une bonne soirée, on revient dans un instant avec une nouvelle session mixée, c'est parti. Se mixe tous les sons de Rise Suprême en direct sur Skyrock. وعبد القادر يا ابو علي بديق الحيل. من بكي مشكي وأقول عنا شعبية الحالة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تالة من بكي مشكي وأقول عنا شعبية الحالة بركانية العالي من اللي توحداني يغلبوا براني كثير آلة فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مرضى أنا بركانية العالي من اللي توحداني يغلبوا براني كثير آلة فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مرضى أنا انا غني انا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهوم بلدي قمرة شعالة انا فرح وانا غني انا نطير كي الحمامة غاي سوبريم مولي وتزار سو سكايروك راس بلادي ما ننسى بلادي بالسهر ربي ورغم انا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس بلادي ما ننسى بلادي بالسهر ربي ورغم انا C'est entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans le sang comme dans le sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vieillis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise, on fera pas valer du râle. Les putains sont cernés, c'est des menaces qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je menace, pas après, je m'en irai. Vivant, limpide, vont garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. On s'invitard, les clés qui entrent, pour ceux qui quittent leur famille. Ensemble on rentre en France pour les tirs là-bas et se confier à Dallas Lee. Tu sais que le chef des chefs il s'appelle Husni. Rail suprême, deux heures DJ Kaste ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Je suis là, Californie. On fumait 350 PNJ sur les bords de la corniche. Habchini, mais Ali, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental. Plus connu que le Hedge, m'en bats. J'voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que j'taille. Comme chef Hesni, j'suis sentimental. Partir loin, rien à perdre. Fripostone ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, j'vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion. Yahman, laisse-toi et danse. Ça fait plaisir. Et à ta boule, à mon amour, خرجني من la misère. Il n'y a ni mahdour. Il t'aille toujours les mains. Mon radis, mon casse-moi. Il a dit ça fait longtemps. Et bien, il sait ni qui je suis. Platine. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock. Fred et DJ K sur Skyrock. Algérie, Maroc, Morocco, Tunisie, jusqu'au bout de la nuit. On Skyrock, la dame me bénit en yerinden çatlatıyor. Senhor c'est DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Allez, montez les neveux, juste un instant que je mette sur le toit. Grosse malle bleue, nombreux comme une équipe de foot. Voiture à ras du sol, on est les locales qui décollent. Le plein gasoil et gaz douce pour pas flancher. Bilel, la PCR, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, deux jours, le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito. À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu tard, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à ti. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveaux lés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la plage à boule et mat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. Sky Rock, rock. On garde toujours l'espoir. Rail suprême. Oui. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Et c'est le soleil qui nous éclaire. Bienvenue à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur de faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. J'suis toujours un petit reflé, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillardiste Arsa, c'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme une tifada. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, t'as les draps, bendo. Et je suis entouré au vert aux critiques, poto. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. Ça lâche le système, gros. Regarde-moi, ah, et garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب انشاء On Skyrock. Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. كنتي بسرتك البال مع قلبي وخليني بعيد شافوني الناس وانا سال وبدالي قوي يبن لك تيجي لك سام تحضني بدطعي صحيح كل الحال حليلي دنيا يوم كنتي بسرتك مبارح مع قلبي وحنيني ليك شافوني الناس وانا Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rise Supreme. Skyrock. T'es invité au mariage du plus vrai et de la plus fraîche. En mode oriental, palace, Dubaï, Marrakech. Bugatti, Bentley dans le cortège. Escorté par la pègre, bébé, que Dieu nous protège. Fuck mon ex, mais c'est sortilège et le cœur lège. Les anges nous enveloppent, savourent ce privilège. Prends ce billet de 500 pour essuyer tes larmes. Ta robe tue, elle est aussi blanche que mon arme. Ton mari vient de la rue, le costard taillé par une lame. On l'appelait déjà monsieur, demoiselle devient une dame. T'es plus une gamine, sape tes clubeuses de copines. Orgueil poussier à la nicotine. Fais-moi confiance, tiens mon code PIN. Si tu me réveilles pour prier derrière moi, je dirai amin. Tu veux un enfant de moi, faut que t'en restes digne. Pour les jours où notre mariage aura une sale mine. Suprême. Minuit, 2h sur Skyrock. J'suis à Miami. Ce soir ça va grailler. Rentre dans la piste. Et ce soir t'es ma sister. Y'a de la weed, y'a du keja. On va se mettre bien sur un yacht. J'vais claquer tout ma paye, tout mon P9. Oh oui, au pays des ténèbres. Foncez dans le bar avec Ali. J'l'emmène au pays des merdes. Des omnidas au bilan de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Oui, y'a du champagne, du whisky, de la vodka. De quoi te donner. J'ai mis du jack dans ma tétine, à taper la petite, tu dis que son platine. Toutes les nuits c'est la même, la mélodie du chétan s'amène. La go est tellement ne bouge, je suis à deux doigts du crime passionnel. Toutes les nuits c'est la même, la mélodie du chétan s'amène. La go est tellement ne bouge, je suis à deux doigts du crime passionnel. Col est serré, oui col est serré. Col est serré, toute la nuit ça va coller. Serré, Rail suprême. Deux heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Fais pas la tasse, fais pas la tasse dans le classe. Alors Pepito, tu nous sors le couteau. Alors Pepito, tu fais le gros mais ton père roule en punto. Pour les vrais pas les boutos. Je suis en mode Azonto. Je mets la vodka dans le pulco. Sushi pas sous coke. C'est ma chérie Coco. J'ai envie de te croquer. J'ai pas changé mon poteau. Je traîne dans la zone ou au coquet. Odo, je te charge en moto. Je te baisse ta femme ma poule. Je mets des claques. Odo, Kodo, Kodo. Je te charge en moto. Je te baisse ta femme ma poule. Je mets des claques. Odo, Kodo. Tu partages mes sangros. Merci. Tu soutiens la famille. Merci. Tu fais le zindoul. Merci. Tu portes mes t-shirts. Merci. Alcool et gadi. Merci. Location de bouteilles. Merci. Façon, moi sont gratuites. Merci. Mais jamais mendé. Merci. J'attire les ennuis. J'attire les photos. Rien à faire, on s'ennuie. Mais faut dire Dieu merci. Merci. Alors Bambino, tu veux rouler sans guidon? Passe pas là où t'as papier. Reprends ton biberon. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mac, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les panales. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mac, j'ai pas de permis. Alors le soir, j'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Fais pas la tasse, fais pas la tasse dans le classe. Alors Pepito, tu nous sors le couteau. Alors Pepito, tu fais le gros mais ton père roule en punto. Pour les vrais pas les boutos. J'suis en mode Azonto. J'mets la vodka dans le pulco. Sushi pas sous coke. C'est ma chérie Coco. J'ai envie de te croquer. J'ai pas changé mon poteau. J'traîne dans la zone ou au coquet. Odo, j'te charge en moto. J'te baisse ta femme ma poule, j'te mets des claques. Odo, Kodo, Kodo. J'te charge en moto. J'te baisse ta femme ma poule, j'te mets des claques. Odo, Kodo. Tu partages mon sang. Tu soutiens la famille. Merci. Tu fais le sinjou. Merci. Tu portes mes t-shirts. Alcool et gadi. Location de bouteilles. Les consommations sont gratuites. Suprême. Minuit, 2h, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Motherfucker like me, can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Salut tout le monde, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Elle t'a plaqué, fais les gamos pour des propos sur la frais des DJ K sur Skyrock. J'ai touché le kéno, ma vie c'est les boîtes choquées et télo. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais dans ma surface de réparation? Attention, sinon ton boule va me réclamer des réparations. Je gère tout seul l'opération, dans leurs yeux je vois de la frustration. Oui mais pardon, si je fais du bif à la base ce n'était qu'une passion. Je me la coule douce sous le sunshine, je passe à la banque changer mes punchlines. Je me tape des barres, je regarde des vannes quelque part en Espagne dans une villa design. Vamonos, vamonos, vamonos, laisse tomber tous ces boros, ces boros, ces boros. Ma chérie, vamonos, vamonos, vamonos, laisse tomber tous ces boros, vamonos. Un, deux, toi et moi, Panama ou les Bahamas. Prends ton temps, je te laisse le choix. Y'a que le luxe, le calme, les palaces. J'suis en mode carrière, y'aura pas de transfert. Oh non, non, non, mon équipe ne s'impose qu'avec la manière. Oh non, non, non, t'en fais de monnaie, tous les soirs c'est la guerre. Maroquino, tu connais ma bannière. Parle en kilo quand il s'agit de salaire. Ça sort le métal pour sortir de la galère. Tu connais le flow, phénoménaux. Qui sont ces petits cons qui veulent m'éliminer? Je vais m'occuper de tous ces minots. Calma, calma, je suis déterminé. Vamonos, Rai Suprême, minuit, 2h. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock, c'est Boros. Ma chérie, vamonos, vamonos, vamonos. Laisse tomber. Show me. Let's get down. pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, tu l'entends partout, partout, partout. La première fois, c'était sur Skyrock. Là, là, c'est dingue. Là, c'est dingue. C'est la crise, oh la la la. Ça va vite, oh la la la. Hey, la mise, oh la la la. French kiss, oh la la la. J'ai trop de vis, oh la la la. J'fais la diff, oh la la la. Numéro 10, oh la la la. Ah, tu me kiffes, oh la la la. Et ça parle dans mon. S'ils étaient en train de me masser. Mec, regarde ta go. Depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. Oh la, qu'est-ce que t'as, ça la mélo. J'veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre et ban classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et j'mange aïe, aïe, aïe. Là, c'est dingue. Je traîne en gamos, je sens une main passée dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'aime. Elle veut me faire goûter son gloss. Je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. DJ Kays. Tu me fais dans du vélo, mais on sait qui t'es mon frérot. madame de Saint-Denis. T'as un style illicite. Quand tu m'envoies tes photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. J'ai pas le compte ta carteur. Tu vas finir poncé. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la zumba. Genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote Yarumba pense que t'es une choroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein. Mais ma chérie, faut le remplir. Si t'as le corps d'un philippin, pas un euro, je vais sortir. Au pire, il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopalin. Et je suis à Punta Cana. Ok. On y va.

se mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est fini pour ce Rail Suprême. Merci à vous tous d'avoir été là avec DJ Case comme chaque dimanche soir. Session mixée. On a pas mal débordé ce soir une fois de plus. On se retrouve dans une semaine. Ciao, bonne fin de week-end. Diff ou les Romano.